idiot. Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans ce 139e Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 32. Et l'on retrouve ce soir Maxime aux manettes avec après le léger intérim de Marlène la semaine dernière. On le retrouve avec son efficacité habituelle, qui nous a lancé d'ailleurs ce magnifique générique Bacchus de Nicolas Gardel et Ad Bangers qui nous accompagne toujours depuis 5 ans. Un nouveau numéro donc de Osez Jazz à tous les étages qui va célébrer pas mal les pianistes et un petit peu les trompettistes aussi. Vous allez voir un programme assez large et que l'on va débuter comme d'habitude avec la rubrique générique. Et cette fois-ci, je vous ai choisi un petit générique de film qui est aussi le générique d'une émission de radio et qui a aussi servi comme musique de fond pour des pubs, notamment pour la pub de la SNCF dans les années 80, fin des années 80, début 90 même. Il s'agit ni plus ni moins que du morceau Struggle for Pleasure de Wim Mertens, dont la première utilisation a été faite par Peter Greenaway dans le film Le Ventre de l'Architecte en 1987. Cette musique donc qu'il avait composée, Wim Mertens, pour ce film. Toute la musique d'ailleurs du film est signée de Wim Mertens, mais ce morceau-là ressortait particulièrement dans ce film un petit peu étrange, une histoire d'un architecte américain un petit peu sur la fin de sa carrière qui va se rendre dans un grand raout d'architectes et puis voir sa femme et son couple donc s'éloigner un petit peu de lui au profit d'un autre architecte, un jeune architecte bien dans l'air du temps. Donc Brian Dennehy, ce grand acteur américain souvent résumé un petit peu au second rôle, joue le rôle principal de cet architecte un peu en fin de carrière. Sa femme, c'est Chloé Webb, et le jeune architecte qui va lui shipper sa femme, et ben c'est Lambert Wilson, qui était encore un petit peu au début de sa carrière à l'époque. Mais la musique, elle, est vraiment une très très belle musique à base principalement de piano, un petit peu de voix, parce que Wim Mertens, c'est également un chanteur à la voix de haute contre assez étonnante. Et puis un accompagnement du piano qui se fait souvent par des petits quatuors à cordes, Wim Mertens étant très influencé par la musique classique et notamment la musique classique moderne. Donc il est vraiment dans cette lignée qui reprend dans la musique de film des nouveaux codes dans le courant des années 80. Donc la musique sera également celle d'une émission qui s'appelait Le Médiateur, qui servait à aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes à la télévision, je crois que c'était sur TF1. Et puis la pub SNCF, c'était la pub pour le TGV qui utilisait aussi ce morceau. Donc le morceau, on va l'écouter. Écoutez, Struggle for Pleasure, Wim Mertens, 1987. Thank you. Wim Mertens, Struggle for Pleasure, donc extrait de cette bande originale du film Le Ventre de l'Architecte, mais aussi réutilisé ensuite dans beaucoup de pubs et d'émissions de télévision, de radio. Ça a été vraiment un tube à l'époque, un album qui a fait un petit peu une sorte d'étape dans les musiques de films de la période et qui a ouvert la voie à plein de compositeurs un petit peu minimalistes. C'est vrai que Wim Mertens, c'était aussi un spécialiste des minimalistes, puisqu'il avait même fait une étude sur les premiers minimalistes des années 1900 à 2000. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de ce petit générique bien sympathique, et on va passer maintenant directement au coup de cœur de la semaine. Avec un bel album sorti un petit peu par surprise, parce qu'on avait déjà fait un coup de cœur sur le dernier album solo de Antonio Farao, c'était au mois de janvier ou février, et le voilà qui redébarque encore, cette fois-ci avec un album en duo, Antonio Farao et Stéphane Belmondo, le trompettiste et bugliste français. Donc le pianiste italien et le trompettiste français se sont accoquinés pour cet album qui est vraiment une jolie réussite de duo. C'est tout simple, ça n'invente rien, ça cherche pas à inventer d'ailleurs, c'est simplement un travail sur la musicalité entre les réponses et la mélodie jazz du piano et de la trompette. C'est pas si souvent que ça d'ailleurs qu'on a des albums uniquement en duo, il y a souvent une rythmique derrière. Là, ils sont vraiment que tous les deux et ils nous invitent un petit peu à un voyage autour de la mélodie et du rythme. Alors je vous dis une bêtise parce qu'en fait si, il y a une rythmique derrière, j'ai mal relu mes notes, il y a le contrebassiste Thomas Bramery qui est présent, et puis Benjamin Enoch à la batterie pour les accompagner, donc ce travail sur la mélodie quand même est très très présent, la rythmique bien que présente n'est pas si importante que cela dans le développement de ce qu'ils essaient de faire à partir de standards du jazz et de quelques compositions. Alors je vous ai choisi dans cet album une reprise justement, c'est un morceau assez ancien de Herbie Hancock qui s'appelle One Finger Snap, qui figurait sur un de ses premiers albums 1964, l'album Empire and Isles, et là ils en font une version beaucoup plus soft, parce que vous allez le voir tout à l'heure, la version de Herbie Hancock est un petit peu plus enlevée, on va l'écouter à la suite, mais je vais d'abord vous laisser donc avec cet extrait de l'album Do It, Antonio Farao et Stéphane Belmondo. Le morceau s'appelle donc One Finger Snap. Thank you. bien beau thème que ce One Finger Snap très enlevé de Herbie Hancock, repris donc par Antonio Faraò au piano avec un travail absolument incroyable entre la main droite et la main gauche, notamment sur la partie solo où il est fait vraiment office de, on dirait qu'ils sont deux à jouer du piano, hein, qu'il y en a un qui fait la rythmique sur les accords et l'autre qui joue avec deux mains, mais non, il y a bien qu'un seul pianiste sur ce morceau-là. Et puis Stéphane Belmondo, donc au bugle, qui vient réexposer le thème après ce joli petit solo de batterie de Benjamin Enoch, accompagné par Thomas Branwey à la basse. One Finger Snap, donc un morceau de Herbie Hancock sorti en 1964 sur son album Empyrean Isles. C'était déjà son quatrième album à l'époque, Herbie Hancock. Et c'est un album dans lequel on retrouvait une partie du groupe avec lequel il jouait chez Miles Davis, puisqu'on retrouvait Ron Carter à la contrebasse et Tony Williams à la batterie, rien que ça, et puis Freddie Hubbard à la trompette pour jouer ce thème, donc One Finger Snap. Alors cet album Empyrean Isles, c'est sur celui-ci qu'on retrouve notamment son fameux Cantaloupe Island qui a été un gros succès au fil des ans et au fil même des décennies, puisqu'il avait été repris notamment par le groupe de rap US 3 au début des années 90. Il faut quand même signaler que Herbie Hancock est toujours actif, il a 86 ans aujourd'hui, et il y a un concert hommage à Miles Davis, donc je vous serine que c'est le 100e anniversaire de la naissance cette année. Eh bien, au mois de septembre, si vous avez les moyens de vous payer un petit voyage jusqu'au Monterey Jazz Festival, le 27 septembre de cette année, eh bien, il y aura un concert de Ron Carter à la basse et Herbie Hancock au piano, tous les deux tout seuls sur la scène de Monterey. Ron Carter, lui, il a 88 ans et ça sera un concert unique en hommage à Miles Davis. Donc voilà, si vous avez moyen, moi je pourrais pas y être, hein, mais je sortirai tout juste du festival de jazz en Touraine, donc je peux pas enchaîner les deux comme ça, ça va pas être possible. Mais voilà, n'hésitez pas, ça peut être sympa d'aller voir ces deux grands bons hommes qui sont toujours en très très belle santé, ils continuent de sortir des albums chacun de leur côté, se réunir pour Miles Davis. On va donc écouter la version originale de ce morceau qu'on écoutait tout à l'heure par Antonio Faraò et Stéphane Belmondo. C'est donc le morceau One Finger Snap dans sa version originale par Herbie Hancock et son quartet. Thank you. Voilà, c'était la version originale donc de Herbie Hancock de One Finger Snap, un claquement de doigts en français, avec l'excellent Freddie Hubbard à la trompette, Ron Carter à la basse, Tony Williams à la batterie, et bien sûr Herbie qui vient de nous délayer ce petit solo de piano là qui était bien bien groovy aussi, bien fort. Voilà, en comparaison de la version qu'on écoutait tout à l'heure par Antonio Faro et Stéphane Belmondo. Donc, coup de cœur suivant de cette actualité qui est toujours très très riche. Il y a vraiment plein de choses qui sortent et je peux pas tout choisir, mais voilà, j'essaie de vous faire une sélection plutôt intéressante avec toujours un pianiste. C'est un Français qui s'appelle Étienne Guéroux, qui est pas tellement connu du grand public, mais qui a déjà une petite carrière derrière lui et qui en est, je crois, à son troisième album avec ce trio qu'il constitue aujourd'hui avec Gauthier Garrigue à la batterie, qui est un des batteurs de jazz français les plus recherchés, et puis Marc Buronfos, qui lui aussi à la contrebasse est un sacré bonhomme qui a déjà fait un très très très très gros trou sur la scène du jazz français. Donc ils ont enregistré ensemble ces 12 titres où il y a des compositions, où il y a des reprises. Là, ce qu'on va écouter, c'est une composition de Étienne Guéroux qui s'appelle Mango, mais il y a aussi des reprises étonnantes comme le Que je t'aime de Johnny Hallyday. Je vous avoue que à l'écoute, j'ai pratiquement pas reconnu le morceau, c'est dire si c'est bien réinterprété. Bon, moi, Johnny Hallyday, c'est pas trop ma sauce, hein. Voilà. Et puis, 10 titres instrumentaux vraiment sympas, plus 2 titres chantés par une des chanteuses françaises qui monte, Charlotte Planchoux, qui vient chanter deux titres sur des poèmes de l'un de Victor Hugo, Demain dès l'aube, le fameux Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, n'est-ce pas? Et celui de Paul Éluard, La courbe de tes yeux. Voilà, deux jolis titres chantés, mais j'ai préféré quand même mettre en avant le piano d'Étienne Guéroux dans ce très bel album donc, qui s'appelle Fling, et sur ce morceau en particulier qui s'appelle Mango et qu'on va écouter tout de suite. Thank you. un petit peu de jazz bien cool avec monsieur Étienne Guéraud au piano en compagnie de Gauthier Garrigue à la batterie et Marc Buronfos à la basse pour cet album sorti tout juste là qui s'appelle Fling et ce morceau qu'on vient d'écouter qui s'appelait Mango. Alors on va continuer dans le très cool, très très cool cette fois-ci avec un autre pianiste, décidément les pianistes sont à l'honneur ici, Bruno Angelini qu'on connaît bien ici à Tours notamment parce qu'il est un habitué du Petit Faucheux où il accompagne souvent Édouard Perrault avec lequel il a fondé un trio notamment ces dernières années. Donc Édouard Perrault qui est un batteur percussionniste tourangeau également, donc on les retrouve souvent sur scène. Donc Bruno Angelini a sorti un album qui s'appelle Alone Together et qui célèbre un petit peu la lutte contre le racisme et les stigmatisations avec une série de reprises donc pour piano solo de grands standards un petit peu de la chanson protestataire principalement américaine hein, puisque on a là des morceaux de Nina Simone, Ornette Coleman, Billie Holiday, Marvin Gaye, Max Roach, Gilles Scott-Heron, Charlie Mingus, Archie Shepp et même plus récemment Monsieur Kendrick Lamar, mais vraiment réarrangé pour piano solo jazz. Vous allez voir avec le morceau qu'on va écouter, le morceau que je vous ai sélectionné, c'est un morceau de Duke Ellington qui s'appelle Come Sunday. Et vous allez voir que c'est vraiment dans des versions très très cool. Très très douce avec un arrangement qui tourne autour un petit peu de la mélodie en la mettant en écho avec les sonorités de chaque note vraiment un bel album qui est à la fois un album de revendication mais sur le mode très très cool, vous allez voir. Ce premier morceau que je vous ai sélectionné, on va écouter la version originale après comme on fait souvent, mais et on va écouter cette version de Come Sunday de Duke Ellington par Bruno Angelini, extrait de cet album Alone Together, c'est maintenant. Thank you. Bruno Angelini, donc, dans ce nouvel album qui s'appelle Alone Together, album de piano solo dans lequel donc, il rend hommage un petit peu aux morceaux importants qui ont été écrits pour lutter contre le racisme et les stigmatisations. Ici, c'était le Come Sunday de Duke Ellington. Et comme on a l'habitude de le faire, eh bien, on va écouter une version, non pas la version originale, parce que la version originale de Duke Ellington, c'est une version, elle aussi, instrumentale, qui date de 1943. J'ai bien retrouvé des versions, mais bon, le son est un petit peu lointain et puis ça rend pas aussi bien que celle que je vous ai trouvée. Donc 1943, c'est une suite en fait, une sorte de morceau de jazz un peu sacré à l'époque qu'il veut écrire en mettant en avant son saxophoniste Johnny Hodges. Donc une version pour petit orchestre. Un petit big band, on va dire, de jazz, et qui figure sur un album qui s'appelle Black Brown Beige Suite, sorti quelques années auparavant, réparti en six parties. Et dedans, il y a dans ces six parties, il y a ce thème de Come Sunday qui apparaît. Et en fait, Duke Ellington va le réenregistrer pour un autre album, donc en 1958. L'album, lui, s'appelle juste Black Brown and Beige, donc il reprend l'intitulé de la suite qu'il a écrite en 1943 sur cet album de 1958, qu'il interprète en compagnie de la grande chanteuse de gospel, Mahalia Jackson. Et vous allez voir, vous n'avez peut-être pas tout à fait retrouvé ce que vous venez d'entendre dans la version de Bruno Angelini, parce que c'est tout à fait particulier. En fait, c'est crédité à Duke Ellington et Mahalia Jackson, sauf que sur ce titre-là, Mahalia Jackson est quasiment seule. On entend quelques notes de piano au début du morceau, et puis au bout de 3 minutes, encore 2-3 petites notes de piano, mais sinon, le reste du temps, elle est complètement seule. Donc le morceau a vu un texte original écrit spécialement pour cette version-là. Et voilà, vous allez voir, c'est vraiment du gospel pur, une véritable beauté, peut-être le plus grand morceau que Mahalia Jackson, qui en a pourtant chanté beaucoup, peut-être le plus grand morceau qu'elle ait jamais pu enregistrer. Moi, ça me met, comme on dit vulgairement, ça me met les poils à chaque fois. Come Sunday, donc 1958, Duke Ellington très discret sur ce morceau et Mahalia Jackson donc sur ce morceau qu'on a écouté tout à l'heure par Bruno Angelini, Come Sunday. Every trouble mine, Sunday, yesterday. Come Sunday, chanté par Mahalia Jackson, donc sur cet album Black, Brown and Beige de Duke Ellington. Vous avez pu remarquer combien Duke Ellington avait été discret sur ce morceau-là, mettant juste les quelques accords sur le début de la chanson et puis quelques notes qui réapparaissent au bout de 3 minutes. Mais vraiment, c'est un morceau qu'on peut pratiquement qualifié de morceau de Mahalia Jackson, même s'il a été composé par Duke Ellington, tellement elle y met de l'âme et de la beauté, cette finesse, cette douceur dans la voix, c'est incroyable, et en même temps cette force qui fait de ce morceau aussi un des grands morceaux de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis à l'époque, parce qu'en 58 on est en plein dedans, c'est vraiment le début de la carrière, je dirais, politique de Martin Luther King pour faire revenir ses droits des Afro-Américains sur le devant de la scène. On va passer maintenant à un autre morceau, alors qui, avec celui qu'on vient d'écouter, qui a quelque chose en commun, c'est qu'il a été enregistré lui aussi dans une abbatiale, l'abbatiale des Dominicains de Saint-Émilion, un très joli pays, pas seulement pour son vin, mais le village de Saint-Émilion est vraiment un bel endroit. Et là, il y a un très beau festival, d'ailleurs, le Saint-Émilion Jazz Festival, qui a lieu là-bas. Et c'est en s'y rendant que Jean-Pierre Comeau, le pianiste de Sixon notamment, a découvert cette salle, la salle des Dominicains, donc à Saint-Émilion, et avec une acoustique absolument incroyable. Il s'est dit, bon voilà, il faut faire quelque chose dans cette salle. Et donc, il a convoqué un de ses amis, l'ami Javier Giloto, qui est un saxophoniste argentin vivant en grande partie en France. Et à tous les deux, ils ont enregistré cet album qui vient juste de sortir, qui s'appelle Parfum d'Azur. Donc piano et sax dans cette belle salle des Dominicains de Saint-Émilion, avec une acoustique, vous allez voir, une réverb naturelle absolument incroyable. Et ils ont composé tout un album. Il n'y a pratiquement que des compositions sur ce disque, de l'un et de l'autre. Et celle qu'on va écouter pour illustrer la sortie de cet album, c'est un morceau qui s'appelle Une étoile pour danser, qui est une composition de Jean-Pierre Como. Et vous allez voir, c'est vraiment un très très beau son qui va vous rappeler celui qu'on a entendu déjà chez Mahalia Jackson, avec cette réverb qui était là un petit peu... une réverb de studio, mais là c'est vraiment une vraie réverb naturelle que vous allez entendre sur ce morceau. Donc Une étoile pour danser, Jean-Pierre Como, Javier Giloto. Thank you. Jean-Pierre Comeau et Javier Girotto. Jean-Pierre Comeau au piano et Javier Girotto au saxophone. Donc pour cet album en duo uniquement, enregistré donc dans cette très belle salle des Dominicains à Saint-Émilion, avec cette réverbe naturelle là qu'on entend très bien sur ce morceau. Et vraiment une belle réussite tout du long de l'album. Pour ce qui reste, ce qui est déjà son 16e album à Jean-Pierre Comeau en solo, puisqu'il y a aussi tous ceux avec Sixon et puis avec d'autres formations. Vraiment une carrière déjà très très longue derrière lui. Et dans ce petit morceau, il y avait sur certains moments des petites rythmiques qui pouvaient faire penser un petit peu à la musique caribéenne. Et ça nous rapproche du coup de cœur suivant, puisque le coup de cœur suivant, c'est encore un pianiste, puisqu'il y a un nouvel album de Mario Canonge qui sort, qui s'appelle Caldera, qui sort ces jours-ci. Et Mario Canonge, l'un des grands, grands, grands pianistes originaires des Antilles françaises, qui lui aussi a une longue carrière derrière lui et qui, avec cet album, s'est entouré de deux autres amis des îles aussi, puisqu'il y a Michel Alibo à la contrebasse. Alors, on parlait de Sixon à l'instant avec Jean-Pierre Comeau. Michel Alibo, c'est le bassiste de Sixon. Donc, on avait le pianiste de Sixon tout à l'heure. Voilà, on a le bassiste aussi de Sixon dans cette formation de Mario Canonge. Et puis, à la batterie, un habitué de cette émission, puisqu'il s'agit de Arnaud Dolmen, qu'on a l'habitude de citer régulièrement, aussi bien pour ses albums à lui, qui sont souvent coup de cœur ici, et puis pour ses participations nombreuses aux albums des autres. Donc ce joli trio explore la musique antillaise avec toutes les influences de Big In, de Mazurka, de Zouk, et aussi bien sûr le jazz, qui est la musique que ces trois garçons ont en commun dans leur chair et dans leur sang, je dirais. Toujours beaucoup de rythme dans ce qu'ils interprètent, mais aussi beaucoup de finesse mélodique, puisque aussi bien la Big In que la Mazurka sont quand même des musiques très très mélodiques, et ils savent vraiment mettre tout ça dans une belle marmite et nous le rétribuer comme ça sous une forme assez étonnante. Voilà, on va écouter le morceau Rue du Figuier, qui figure donc sur cet album Caldera qui sort ces jours-ci. Donc Mario Canonge au piano, Michel Alibo à la contrebasse et Arnaud Dolmen à la batterie. un joli travail rythmique entre Michel Alibou à la basse, Arnaud Dolmen à la batterie et Mario Canonge au piano pour ce Rue du Figuier, extrait de cet album Caldera qui vient juste d'arriver dans les bacs. Vraiment un joli travail sur lequel peuvent se pencher certains pour essayer de tout comprendre, parce qu'il y a des moments quand même, ça part un petit peu dans tous les sens, mais ils sont toujours quand même ensemble, tous les trois, c'est incroyable. Voilà, on en arrive à la fin de cette émission où vous avez écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de piano. Et vous allez encore en entendre un petit peu avec le morceau final. Juste vous rappeler donc Maxime était à la technique pour m'accompagner pendant cette émission. Merci à lui. Et puis vous pouvez toujours réagir aussi sur les émissions, sur le site Facebook de Osez Jazz à tous les étages, ou sur le site Instagram qui lui s'appelle juste Osez Jazz, pour nous dire si vous avez aimé ou pas ces émissions. Et puis vous pouvez aussi réécouter après en podcast ces émissions sur le site www.radioactive.fm.fr, pardon, radioactivefm.fr, voilà, faut pas se tromper. C'est comme pour Carglass, faut pas oublier le FR et faut pas oublier le FM non plus. Voilà, on va se quitter donc sur la réédition en vinyle pour la première fois d'un album de Michel Petrucciani qui s'appelait Best of Both Worlds, qui était sorti en 1997 à une époque où le CD était roi et le vinyle était un petit peu enterré malheureusement, et donc cet album n'avait bénéficié jusqu'alors que d'une diffusion en CD. Donc pour ceux qui aiment avoir les belles galettes en vinyle, eh bien cet album vient juste de ressortir en vinyle. C'est un album un petit peu particulier dans la discographie de Michel Petrucciani, qu'on entend assez souvent sur ses albums, soit en solo, soit en trio, donc avec le piano vraiment en avant, vraiment très... très très en vedette sur chaque album. Ici en fait l'album s'appelle donc Best of Both Worlds, c'est-à-dire le meilleur des deux mondes. Il réunit des musiciens américains et des musiciens européens pour l'accompagner. Parmi les américains, eh bien il y a Anthony Jackson à la guitare basse, il y a Steve Gadd à la batterie, il y a Bob Bookmeyer au trombone, et côté européen, eh bien il y a Michel Petrucciani au piano, il y a Stefano Di Battista au saxophone et Flavio Boltro à la trompette. Donc ça fait 3 contre 3, les influences diverses de la musique. L'album est entièrement arrangé par Bob Brookmeyer, le tromboniste, et ça s'entend en fait. Le piano de Michel Petrucciani est moins en vedette que d'habitude dans cet album. C'est vraiment les cuivres qui sont là, qui mènent la danse, la rythmique aussi bien sûr, et Michel Petrucciani, vous allez l'entendre dans le morceau que je vous ai sélectionné, est quand même bien présent lorsqu'il prend un solo, mais il est moins en avant dans cet album. À noter qu'il y a un autre album qui vient juste de sortir à l'occasion du Disque Herdé aussi, alors lui un album complètement inédit de Michel Petrucciani qui s'appelle, que je retrouve dans mes notes, Kuvumba. C'est un album live et qui sortira ensuite en CD d'ici une semaine ou deux. Là c'est pour l'instant un concert complètement inédit qu'on n'a pas eu l'occasion d'écouter à l'avance, donc je vous dirai d'ici quelques temps ce que ça vaut, peut-être même qu'on en entendra un morceau. En attendant, on va écouter et terminer cette émission en vous disant à la semaine prochaine avec le morceau Training, donc extrait de cet album Best of Both Worlds de Michel Petrucciani 1997, et d'ici là, portez-vous bien et que le jazz soit avec vous.